par la terre. Mon âme bohème est ici de passage, emportée par le souffle du soir. J'attends mon rêve pour voir ton visage, écouter ta voix dans mon cœur, ouvrir les yeux, me perdre dans ton regard, découvrir un monde meilleur. Si je dois rester les deux pieds dans la glaise, j'essaierai de changer les regards et de déchirer au son de mes accords les brumes d'illusions de ce monde. Et vous tomberez, jolie fleur de la vie, sous l'emprise amoureuse du silence, qui distillera au creux de la vie l'ambroisie comme une semence. J'implore la lumière qu'elle éclaire mes jours, que naisse la toile de mes rêves. Si ton regard se pose sur mon cœur de braise, s'enflammera de sens ma vie. Je déchirerai les brumes du désespoir, j'éclairerai de nouveaux chemins. Chanterai la gloire d'un nouvel idéal, j'écarterai le morne horizon.